rasé, des saoulons sous les ponts. Les cheveux en pétard, ils jambent sur la scène. Entre dans des vocales, boostant ses acouphènes. Postillon option pour cracher son vin. Avec en décoction, sa sève et son montana. Il est parasant, pas sur pour de rond. Il est parasé, des saoulons sous les ponts. Sur un coup de cymbale, à scotcher les bouchons. Des paroles à trois balles, en première audition. Parasant, pas saoulant pour trois ronds. Il est parasé, des saoulons sous les ponts. Les grilles s'y ressort et le sont au taquet. Le poète n'est pas mort et le chanteur René. Il n'était pas parasant, pas saoulant sans un rond. Il n'avait pas de rasoir, notre petit que bon. Elle n'était qu'un marrant, au fond de chanson.